plus mauvais qu'une sale pie. QSM te frappe et se fâche, et QSM t'épie. QSM est bien plus coquin que Laurel et Hardy. Il est des fois où il vaut mieux ne plus toucher terre. La mer en a et de ses lieux chauds en hiver. QSM croit, QSM plie, mais ne rompt pas. QSM déglingue à tout va, vilain comme une hyène. QSM est un gang de cobras qui mord à coups de l'arsène. L'anaconda sort sa langue et QSM dégaine. Encore un cri, encore une air, encore une fois. La petite souris est une histoire qu'on ne croit pas. Encore une frappe, une matraque qui tape pas. Encore une baffe, un nez dans le sac du sparadrap. Riff assassin, arpège malsain, l'anaconda crache son venin. Encore plus fort, encore plus loin, QSM crépite comme un plat de musicien. Encore une fois, encore un cri, encore une ère. Bien pire qu'une pie et bien pire qu'une oie, pire que ta belle-mère.